Chapitre 5e. Chavigny fut chargé de plusieurs négociations délicates tant en France qu'à l'étranger. Il n'avait pas oublié Justine, la jolie servante d'auberge. Un jour, en traversant la haie, il voulait revoir l'hôtellerie du Gril d'Or. Il dîna même avec la soubrette dans la chambre des deux Espagnols. « C'est de là, Justine, dit-il, qu'est parti le réveil de ma liberté et de ma fortune. C'est de là que doit partir aussi ton bien-être. » En même temps, il tira de sa poche un portefeuille et un écrin. « Tiens, Justine, ajouta-t-il, voilà ta dot et ta parure de noces. » Le portefeuille contenait un billet de 10 000 écus au porteur sur le trésor de France. L'écrin renfermait un petit collier en diamant. Il embrassa ensuite la jolie servante et partit. Ainsi s'achève l'hôtellerie du Gril d'Or par Philibert Audebrand.